qui ne croient même pas à l'existence de Satan et des démons. Mon ami, si tu es parmi ces gens-là, tu te trompes. Parce que la Bible nous montre que Satan, les démons existent. Et ils provoquent des dégâts très graves dans la vie des hommes, dans la vie des humains. Ici, ce passage nous parle d'un homme qui était possédé d'un esprit impur. D'ailleurs, ici, le texte nous montre qu'il était possédé d'une légion. Une légion comptait environ 6000 soldats, vous voyez. C'est comme aujourd'hui, dans nos termes, on parle de bataillons, on parle de brigades. Donc, chez les Romains, une légion comptait environ 6000 personnes. Cela veut dire que cet homme-là était possédé de 6000 démons. C'est pourquoi le nom du démon s'appelait légion. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est possédé par 6000 êtres spirituels. Vous imaginez quel peut être le comportement d'une telle personne. Je vais parler à une vieille. Regarde ton fils. Tout ce qu'il fait là, il fume, il prend la drogue, il fait de banditisme. Oui, on l'a déjà incarcéré plus de 3 fois à la prison. Il sort, il commence la même chose. Ça, ce sont des signes qui, c'est un démon. Ce sont des démons qui le possèdent. Oui, il a besoin d'être délivré. Est-ce que tu comprends? Lorsque nous voyons ce texte, nous pouvons identifier quelques caractéristiques de la possession démoniaque. Quand quelqu'un est possédé, comment il est et comment il agit? Première chose ici, il a des agissements anormaux. Vous voyez, cet homme, on nous dit au verset 2, il vint au devant de lui un homme sautant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. C'est-à-dire, cet homme-là, au lieu de dormir dans la maison, lui, il a fait des cimetières comme sa demeure. Un homme normal ne peut pas rester dans les cimetières. C'est les démons qui le poussent à ces agissements. Certains fous même que nous rencontrons dans les rues là, ça peut être, ce sont des cas de possession démoniaque. Vous voyez, la personne ne peut pas porter des vêtements. Autre chose, une personne possédée de démons a une force anormale. On dit ici, il avait sa demeure dans le sépulcre, verset 3, personne ne pouvait les lier, même avec une chaîne. Vous vous rendez compte? Il y a certaines personnes, tu vois une force anormale, on ne peut même pas les saisir, même quand il y a 3 personnes, 4, 5. Il faut comprendre que cette force-là ne vient pas de lui, ça vient des démons. Parce que c'est comme s'il avait 6000 personnes avec lui, vous voyez. Autre chose, on nous dit au verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sous les montagnes, criant, se maîtrisant avec des pierres. Vous voyez, un homme normal ne peut pas avoir un tel comportement. Ou quelqu'un cherche à se tuer. Vous voyez par exemple les gens qui sont animés d'un sentiment de suicide. Ils se jettent, ils montent par exemple sur un immeuble de 5 étages et de 10 étages, ils veulent se jeter en bas. Ça c'est un signe de possession démoniaque. Quand tu vois quelqu'un, il est toujours poussé à chercher à se tuer, à prendre un couteau, tuer les autres, tuer lui-même. Ce sont des signes de possession démoniaque. C'est-à-dire que c'est le diable qui est là. La Bible nous dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Deuxième vérité, nous devons reconnaître que les démons sont soumis à la personne de Jésus-Christ, quelle que soit leur puissance. Je veux parler à quelqu'un. Tu as peut-être un esprit qui te fatigue. Ça peut être un esprit de sirène des eaux, un esprit de mari de nuit, de femme de nuit, un esprit de mort. J'aimerais te dire que cet esprit est soumis à Jésus. Car la Bible dit que Jésus a le nom le plus puissant, le nom devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tout genou fléchira que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lorsque cet homme qui était possédé a vu Jésus, le texte dit au verset 6, ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. En réalité, c'était les démons qui se sont prosternés parce qu'ils savaient que Jésus-Christ, il est le haut gradé. Il a tout pouvoir. Écoutez ce qu'ils disent. Verset 7, il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour tourmenter les démons. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui n'arrives plus à dormir ces derniers temps, toi qui te sens essoufflé maintenant, toi qui fais des songes, que tu es en train de nager la nuit, tu es poursuivi. J'aimerais dire que maintenant, ce démon qui te tourmente, dans le nom de Jésus-Christ, la puissance du feu du Saint-Esprit descend maintenant pour le neutraliser. Au nom de Jésus, qu'il soit mal à l'aise et qu'il te libère, qu'il quitte ta vie. Les démons, ils savent, ils disent, tu es venu, ne nous tourmente pas. parce que les démons ne résistent pas. Jésus est venu pour détruire leurs œuvres. Toi qui es menacé par un esprit de mort, un esprit de cimetière, tu fais des songes que ton papa qui est mort, ta maman qui est morte, revient pour te parler. Tu dois refuser. Ça, c'est un esprit de mort. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas la vieille. Ce n'est pas le vieux. Non, il n'y a plus de communication entre les vivants et les morts. Est-ce que tu comprends cela? Les démons ont supplié Jésus de les envoyer dans les pousseaux. Toujours concernant les démons, nous devons savoir que les démons peuvent créer des dégâts, même sur nos richesses, même au niveau de l'économie, même sur la nature. Souvent, même quand on parle de catastrophes naturelles, il y a certaines catastrophes qui peuvent être causées par le pouvoir satanique et démoniaque. Regardez, quand Jésus a ordonné à ces démons de partir, parce qu'ils ont demandé de partir dans les pousseaux, regardez ce qu'ils ont fait. On dit, ils ont noyé ce pousseau, environ 2000, ils se sont noyés dans la mer. Tu te rends compte, si tu as à peu près 2000 vaches qui se noient dans la mer, combien tu perds? Donc j'aimerais que nous soyons conscients de cela et que nous commençons à prier parfois. Quand nous voyons la destruction au niveau de notre commerce, où nous voyons la destruction au niveau de nos finances, oui, ça peut être aussi d'origine démoniaque. Troisième vérité ici, c'est que lorsque Jésus délivre une personne, la personne connaît un changement. Seul Jésus peut délivrer quelqu'un. Quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui est adultère, quelqu'un qui souffre de maladies dites incurables. Si ça vient de démons, lorsque Jésus chasse ces démons, il y aura un changement. Je veux dire à quelqu'un, tu as souffert pendant longtemps d'une maladie dite incurable. Tu es parti voir les médecins, on n'arrive pas à diagnostiquer. J'aimerais te dire que Jésus a le pouvoir de te toucher, d'enlever cette boule que tu sens toujours au niveau de ton ventre, d'enlever cette boule, oui, qu'on a mis, oui, dans ta vie, dans ta tête. Oh, la puissance de Dieu est capable de te toucher maintenant même que je parle. Reçois la puissance de Dieu qui te libère et que cette puissance, oui, qu'on a mis sur toi, puisse te quitter, te libérer maintenant même au nom de Jésus. La Bible nous dit ici, au verset 15, ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent les démoniaques, celui qui avait la légion, assis, vêtu dans son bon sens. Vous voyez, cet homme avant était agité. Il ne pouvait pas s'asseoir. Il était dans le cimetière, sur les montagnes. Maintenant, quand il était délivré, il était vêtu. Avant, il était nu. Il était dans son bon sens. Est-ce que tu comprends? Oui, je vais dire à quelqu'un, ton mari qui fuit la maison parce qu'il y a une femme qui l'a envoûté, prie pour que le Seigneur le délivre et tu verras qu'il ne sortira plus la nuit. Lorsqu'il sera délivré, il va commencer à rester à la maison. Quatrième vérité. Lorsque Jésus nous délivre, il nous donne une mission, c'est d'aller publier la bonne nouvelle. Lorsque tu as expérimenté le salut en Jésus, la délivrance qu'il t'a donnée, tu ne dois pas croiser les mains. Regarde cet homme, lorsqu'il fut délivré, il a demandé à Jésus, je vais rester à tes côtés. Jésus dit non, va, retourne dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 19. En d'autres termes, quand le Seigneur t'a délivré, tu dois aller maintenant publier. Tu dois maintenant aller dire aux autres qui est ce Jésus-là qui t'a délivré. Dire à tes parents qui continuent encore à adorer les eaux pour leur dire qu'ils sont à l'erreur. Pour leur dire, voici moi comment j'étais lié. Jésus m'a délivré. Aller dire des gens qui sont dans le mysticisme, qui cherchent à entrer dans les loges pour être nommés. Allez leur dire que Jésus les aime, que Jésus veut les libérer, que Jésus est capable de les délivrer. Vous voyez, c'est ça la mission, aller annoncer la bonne nouvelle. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais qu'on le loue ce matin en chantant ces chants. De la poussière, il m'a retiré. Du fumier, il m'a relevé. De la maladie, il m'a restauré. De la pauvreté, il m'a conduit à la richesse. Hosanné, papa nanga na yemeliyoye. Hosanné, papa nanga na yemeliyoye. Hosanné, papa nanga na kumisiyoye. Hosanné, soit magnifié. Hosanné, papa nanga na yemiyo. Hosanné, libanga na talo na kumisi yo. Hosanné, papa nanga na yemiyo. Hosanné, libanga na talo na bineli yo. Hosanné, papa nanga na yemiyo. Hosanna eh, shilona ngai na kumisi yo. Jésus, il est le Tout-Puissant, il mérite la gloire. Élève-le en le bénissant, élève le nom de Jésus. Sois béni Jésus, toi qui as le nom qui est au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous t'élevons et nous te glorifions Jésus, toi notre salut et notre délivrance. Oui, tu es le Dieu qui nous sauve et le Dieu qui nous délivre. Tu es également celui qui nous soutient et qui nous conduit, celui qui nous aide à te servir. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom en ce moment, ô notre Dieu, notre Seigneur. Toi, le Dieu qui touche, le Dieu qui transforme, le Dieu qui guérit. Oh, sois béni notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu capable de transformer l'homme totalement. Tu es celui qui touche l'homme tout entier. Que l'honneur te revienne, notre Dieu, toi qui guéris le corps, l'âme et l'esprit. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le seul capable de sauver totalement. Béni sois-tu, ô notre Seigneur, notre Dieu. Nous glorifions ton nom en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc 5, 1 à 19. Nous venons de voir dans ce passage que la possession démoniaque est une réalité. Il y a des gens qui sont possédés. Ces démons les poussent à commettre des actes ignobles. Peut-être que tu te rends compte que toi-même, on dirait qu'il y a certains signes dans ta vie qui montrent qu'il y a quelque chose d'anormal en toi. Tu vas prier pour refuser ces puissances qui viennent en toi. Tu entends parfois des voix te parler en toi. Tu fais des songes anormaux. Chaque fois, tu vois un homme qui vient pour chercher à coucher avec toi, une femme. Ce n'est pas normal. Quand tu sens des choses comme ça revenir, tu dois prier pour chasser cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Si peut-être ton fils, peut-être ton parent, un ami a des signes anormaux, tu vas prier pour lui afin qu'il soit libéré. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Très excellent Père, c'est un privilège pour nous d'invoquer ton nom ce matin. Invoquer ton nom pour exprimer notre reconnaissance pour toutes les grandes délivrances réalisées dans nos vies. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. C'est un miracle de ta part. C'est un privilège exceptionnel que nous avons de ta part en tant qu'enfants de Dieu. Et nous ne cesserons de le reconnaître et de confesser. Nous prions ce matin au Père éternel dans le nom de Jésus-Christ. Et nous demandons que tu nous équipes avec les armes spirituelles du chrétien. Tu as dit au Père éternel que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par le Saint-Esprit pour renverser les forteresses. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit qui nous harcèle est lié au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que leur forteresse est détruite par la puissance du Saint-Esprit. Nous déclarons au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit de mort, toute manipulation satanique qui harcèle tes fils et tes filles, tout esprit de non-accomplissement est lié au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire sur les puissances des ténèbres. Nous déclarons la victoire sur les puissances des eaux. Nous déclarons la victoire sur les esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Accorde la victoire et le dessus dans la vie de tes enfants. Merci Père éternel pour toute cette délivrance. Merci Père éternel pour cette restauration. Merci Père éternel, pour la connaissance de la vérité qui nous donne la liberté. C'est au nom de ton fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici, dans cette parole, que lorsque Jésus délivre quelqu'un, il y a un changement. Cet homme était agité. Quand Jésus l'a délivré, il était vêtu et dans son bon sens. Tu vas prier pour quelqu'un qui est tourmenté par le pouvoir satanique. Tu vas prier pour que le Seigneur se révèle à lui. Tous ces gens, ces jeunes gens qui sont envoûtés, qui sont possédés, tous ces prostituées, oh, que les gens qui partent dans des boîtes de nuit, oh, pour chercher l'argent, pour vendre leur corps. Tu vas prier, intercéder pour que le Seigneur se révèle au nom de Jésus, qu'il soit délivré. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche. Ce matin, te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes, la grâce que tu nous fais. Ô notre Dieu, qui sommes-nous pour pouvoir prier? Qui sommes-nous pour élever la voix vers toi pour toutes ces personnes que le diable tient en captivité, que le diable domine, que le diable téléguide? N'as-tu pas dit dans ta parole qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile? Notre manière de l'annoncer ce matin, c'est de prier pour eux. Toutes ces personnes qui sont tenues en captivité par le diable, de la prostitution, de la drogue, de l'homosexualité, de toutes ces pratiques, ô Dieu, qui n'honorent pas ton nom, qui vendent leur corps pour avoir de l'argent, qui font des pratiques mystiques. Ô Dieu Tout-Puissant, tu es mort sur la croix de Golgotha pour ces personnes. Oh, l'ordonnance dont les gardiens nous condamnaient ont été déchirés sur la croix, brisés même. Et tu as prononcé que nous sommes libres. Oh Seigneur, nous pleurons ce matin pour nos enfants, pour nos maris, pour nos sœurs, pour tous ceux que nous aimons, qui sont créés à ton image. Oh, s'ils sont en train d'aller tout droit, oh Dieu, à l'enfer, nous prions qu'ils soient arrachés. Nous prions qu'ils soient libérés. Nous prions que les chaînes soient brisées et que leur corps soit visité ce matin par le Saint-Esprit, notre Dieu, notre Père. Que tes anges aillent partout, les saisir, les libérer, les affranchir et les mettre au large pour la gloire de ton nom. Gloire, honneur, puissance à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as été délivré, le Seigneur te donne une mission, c'est d'aller annoncer l'évangile, aller dire aux autres ce que Jésus a fait. Tu vas prier pour que le Seigneur te donne cette capacité d'aller témoigner, que chacun de nous soit un témoin de Jésus, pour qu'à partir de ta vie, de ton témoignage, beaucoup de gens puissent les rencontrer. Prions le Seigneur. Nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom parce que tu nous as fait grâce de te connaître. Tu nous as fait don du nom de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Et ce matin, c'est avec action de grâce que nous te célébrons. Merci parce que là où tu nous as attirés pour nous amener dans ta lumière, je prie, Père, que tu nous donnes encore la capacité que nous repartions dire à toutes ces personnes, oui, que tu es ressuscité, que tu es mort, que tu les aimes, que tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui affranchit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui donne, qui fait encore de nouvelles choses dans notre vie. Merci parce que tu fais de nous des évangélistes, tu fais de nous des gagneurs d'âme, tu fais de nous des hommes qui libèrent les autres, qui ont la capacité de parler de toi sans honte, sans honte. Merci pour cette force que tu nous donnes. Merci parce que en tout temps et en tout lieu, en toute occasion favorable ou pas, que nous annoncions tes vertus, que nous annoncions ton amour, que nous annoncions ta parole, que nous annoncions la vérité, que nous annoncions que tu es Dieu. Jésus-Christ, tu es Dieu. Merci pour ton feu de l'action qui nous anime et que ce feu brûle dans le cœur de toutes les personnes qui nous écoutent afin que ces personnes reviennent à toi. Nous te glorifions, nous te magnifions pour ces âmes à masse, à multitude qui sont converties au nom de Jésus-Christ. Merci et merci. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que notre grand rendez-vous le samedi 26 décembre, c'est spécial OSB. Tous à l'église Assemblée de Dieu d'Adjamé à Abidjan à partir des 9h. C'était OSB et à demain. À nous la puissance, par son bras puissant, faisons.